Doublette suivante dans l'aspect française, 22h pile à la pendule de Radio Béton, toujours à l'écoute d'Elbanger. Doublette E enchaînée à Fardeau. E, ça nous vient. Alors, EUX, sympa. Ou E. Voilà. Merci, bonsoir. En spectacle dans ta ville ce soir. Voilà. Nous vient de. Ah, c'est très chiant en fait comme nom de groupe. Nous vient de région parisienne. C'est du screamo post-hardcore, très influencé par Birds in Row. Ils nous sortent là un nouvel effort studio, le premier album intitulé Morsan. On s'écoutera le titre Noir Sale. Alors, c'est sale, la salle de concert, pas le sale qui est sale. Et Fardeau, ensuite, ça nous vient de la région lilloise. C'est le premier album. Un duo. On a tout d'abord le batteur de Dark Old Slave, hein, bien sûr, l'ami Matraque, qui a tapé. Et qui tape aussi ponctuellement dans Sublime Cadavérique Décomposition, qui a cogné également dans un groupe bien connu dans le nord de la France, Balance of Terror. Et là, on est sur du black avant-gardiste, plutôt inspiré d'Espel Omega, qui est surpris personne, bien évidemment. Premier effort studio, donc The Den Has Become an Abyss. Le mec, il en a marre de taper dans des groupes de Brutal Death et de Grind, du coup maintenant il tape dans des groupes de black avant-gardiste. Ça s'entend, d'ailleurs, tout ce qu'il apporte au niveau de la batterie. Et ça fait méchamment bien le taf. Drowning in Chaos Record, c'est l'écurie qui nous sort ça, et on s'écoutera le titre Le Rituel du Double, parce que bien évidemment, c'est chanté en français. Oh! 22h12 à la pendule de Radio Béton, et on retrouve l'ami Thibaut, non pas pour le focus, mais pour les annonces de concerts pour les semaines et mois à venir, dans la Touraine. Ouais, tout à fait, bah, c'est calendrier un peu light, parce que bah, les belles dates sont un petit peu passées là, ces derniers mois. Donc il nous reste que les dates de merde, du coup. Non, c'est pas dates de merde, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit des dates de merde. J'ai dit les bonnes dates sont passées. Non, toutes les dates qui étaient collées les unes aux autres. Ouais. On a eu quelques semaines assez intenses ces derniers temps, avec de très belles dates au Canadian, de très belles dates à droite à gauche. Donc voilà, toutes les très belles dates sont passées, il ne nous reste plus que les dates de merde. Ah, c'est bien ce que tu disais. Voilà. Donc, prochaine date, on enchaîne avec le dimanche 28 mai, ce sera au Canadian, on aura le groupe, c'est une soirée sur le thème du black metal, si je dis pas de bêtises, oui tout à fait. Une soirée black metal, on aura Nuit Noire, un one-man band qui aura un line-up, si j'ai bien compris, pour cette pour ce concert, qui nous vient de Toulouse. Voilà, ils sont dans une vibe assez, black punk. Ouh. Voilà, il y aura du ouh. Et on aura également avec eux Depressive Witches. Et non pas Burning Witches. Exactement. Comme je me suis bien pris les pieds dans le tapis en début d'émission. Et il y aura rien du ou aussi, voilà, black metal, black and roll. Je pense que ce sera une belle soirée, Canadian, 5 balles. À 19h30, ouais, Catharsis in the place. Et Catharsis, tout à fait. On enchaîne avec, ce sera au quart de tour. Le mercredi 7 juin, partir de 19h. Alors, on va dire ce qui nous concerne un peu plus, c'est la programmation carte blanche accordée à Riposte Asso. Puisque du coup, j'imagine sur le Petit Chap, Beyond the Sticks, Verbal Razor et Slope. Alors, Beyond et Verbal, sans que ça soit mauvais, c'est des groupes que l'on a l'habitude de voir par chez nous. Slope, beaucoup moins, c'est du hardcore plus qui nous vient de Belgique, d'Allemagne, pardon. Et voilà, espèce d'hardcore un peu fusion, un peu fuzzy et un peu surfeur. Et ça fait bien le taf, ça va être rigolo. Ouais, bah voilà, hein, une petite soirée sympa sur au quart de tour. C'est vrai que de la musique extrême, on en a pas tous les ans. Là, c'est assez cool d'avoir les copains qui vont être sur scène et Slope qui sera l'occasion pour moi de les découvrir sur scène. Donc, il me semble. Tu les avais pas vus au Day of Hardcore à Angoulême il y a quelques années ? Je crois pas. T'étais peut-être pas né. Exactement. Et du coup, ce sera 11€. Voilà, en pré-vente, pense-y l'ami. Et, puisqu'on parle de Riposte, on se catapulte tout pile un mois plus tard ensuite pour le Ripfest 7e du nom. Avec, alors on va pas redétailler toute la fiche, hein, mais à noter surtout, pour les gros morceaux, Memoriam, Chromax, Born From Pain, Brother Till We Die, Proles, Grove Street, etc., etc. Exactement. Et ce sera, si je ne dis pas de bêtises, Saloesia, c'est ça. On est sur des préventes à 35€ les deux jours, et sinon on est entre 20 et 25€ la journée. Voilà, et puis on aura l'occasion dans les semaines qui précéderont le festival certainement d'accueillir Emile, qui risque d'être très occupé à ce moment-là, mais bon, pour reparler un petit peu de l'événement en devenir. Retour à la musique, faisons un peu de lien social, un petit peu de cohésion entre nous. Oh, la glissade ! Ah, c'est rigolo. Voilà, cohésion, toute récente formation hardcoreisante venue de région parisienne, Hail to Die On. Musicalement, je trouve ça super cool. Au niveau du chant, je suis un peu gêné pour le moment, parce que je trouve qu'il est un peu trop en décalage. Cohésion, les bons réseaux, se retrouve propulsé pour son premier concert en ouverture de la soirée Speed Zulu, organisée par Arakasso le 19 juin en région parisienne. Cohésion, on s'écoute le titre « Sisters ». We must be blind, or no one behind you. We must know now. Voilà, cohésion avec petits effets de guitare à la Gojira, là, old school Gojira, là, qui agace un petit peu. C'est très plaisant à écouter. Et, petit truc qui me gêne encore avec le chant. La suite, c'est l'ami Thibaut de retour derrière le micro. Putain, je fais des rives absolument incroyables ce soir. C'est magnifique. Pour nous présenter... un groupe de black metal. T'aurais donné le nom du groupe, tu vois, ça faisait une troisième rime en haut, c'était parfait. On arrête. Donc un groupe de black metal qui nous vient d'Italie et c'est pas peu commun. C'est complètement commun. C'est pas du tout commun, pas peu commun. Oui, enchaîne, c'est vite. Il faut qu'on se repose. Prompteur. Donc un groupe qui nous vient d'Italie et des groupes italiens, on n'en diffuse pas beaucoup, en tout cas en black metal, je veux dire. Parce que déjà, moi, c'est pas une scène que je connais plus que ça. Là, le groupe donc Blaze of Sorrow qui s'est formé en 2007... Ils en sont quand même à leur 7e album et c'est un nom que j'entendais revenir régulièrement mais sur lequel je m'étais jamais vraiment penché. Ils proposent un black atmo pagan teinté de folk un petit peu et tout ça, mais on reviendra sur une discographie qui est assez diversifiée quand même. C'est vrai que la scène italienne, personnellement, en dehors de Aborim qui dans ses débuts a fait un black indus, black electro qui fonctionnait sans être ma scène, ça fonctionnait assez bien. C'est pas du tout une scène que je connaissais. Et on reviendra à pourquoi j'ai accroché sur cet album, parce qu'il y a quand même des petites subtilités qui expliquent pourquoi je me suis penché dessus. Donc ils ont sorti un premier album en 2008 qui s'appelle Ultimo Respiro. Musicalement ça n'a absolument rien à voir, c'est complètement du raw, hyper pesant, hyper rampant. C'est un très bon album pour les amateurs du style, vraiment pour ceux qui aiment le black metal cradingue comme c'est pas permis. Penchez-vous dessus, il est vraiment excellent cet album. En 2011, ils sortent Eterno Tramonto, qui donne d'un seul coup, on a... alors il y a un espèce d'effet quasi Alceste, c'est-à-dire les débuts de Alceste qui étaient vraiment du raw black hyper vénère, et qui d'un seul coup bascule sur un truc qui tire vers le shoegaze, qui a plus une inspiration aux Woods of Desolation pour qualifier un petit peu, donc un... Il n'y a pas le côté chant clair qu'il peut y avoir sur du Alceste, mais il y a ce côté avec un chant guttural et des moments qui font clairement penser à une vibe un peu shoegaze. Donc c'est un bon album aussi. De toute façon, globalement, ils ont sorti que des bons albums. Mais voilà, celui-là, il a quelque chose d'absolument différent, encore une fois, de la discographie et surtout du précédent qui était vraiment dans un délire complètement autre. Ishii qui sort en 2012, qui commence à faire quelque chose de plus folk, de plus martial. On a un délire un petit peu... avec des grosses pincettes à la Campfar qui va apparaître avec des chœurs, des choses comme ça qui vont naître dans leur musique. Eremita del Fuego, dans la continuité du précédent, c'est peut-être pas celui sur lequel il faut se pencher en premier, il est sympa, mais voilà. C'est pas celui qui se démarque dans la discographie parce que ça fait partie des rares albums où ils ont fait un petit peu comme le précédent. Astri, donc en 2017, et on a quelque chose de beaucoup plus atmo, de beaucoup plus introspectif qui apparaît. On reviendra là-dessus, mais c'est quelque chose qui transparaît complètement dans les visuels également du groupe, parce qu'ils ont vraiment des visuels qui sont très très classe. Ensuite, donc l'album qui est sorti donc juste avant là, leur dernière sortie, Abstantia, en 2020. Et celui-ci, d'un seul coup, il apporte un délire un petit peu heavy metal, quelque chose de plus entraînant, de beaucoup plus heavy speed black, donc avec des notes qui sonnent un petit peu plus old school. Et ça fonctionne super bien. Et donc là, ils arrivent avec leur 7e album, Vultus Fati, qui s'inscrit de nouveau dans quelque chose d'autre. Il est tout d'abord accompagné d'un visuel qui est absolument incroyable, qui m'a claqué à l'œil immédiatement. Et c'est un peu sans surprise que derrière, je découvre Adam Burke, encore une fois, au pinceau, qui fait un travail magnifique. On l'a notamment... personnellement, moi, il m'a marqué tout particulièrement sur les derniers albums de Vorga, de Griffon, de Anachronisme dans les quelques focus que j'ai fait ces derniers temps. On a Unforcer qui a un style complètement différent au niveau de sa pochette et qui est également signé de Adam Burke. J'en parle parce qu'on l'a diffusé en tout début d'émission. Et voilà, travail splendide. Déjà, je trouve que le groupe travaillait vraiment ses visuels. Mais là, ils ont encore franchi un pas en, pour moi, prenant le maître actuel sur les pochettes d'albums de musique extrême. Et voilà, c'est grandiose. Musicalement, ça fonctionne de ouf. On a quelque chose de très, très tellurique, de très nature qui en ressort. Quelque chose de contemplatif et par-dessus ça, on a quelque chose qui est complètement épico-dramatique au possible. C'est déjà dans le visuel, on le voit, c'est un chevalier qui va vers un château qui est en ruine. C'est saisissant, rien qu'au niveau de la pochette, ça transparaît dans l'album complètement. Il y a quelque chose de très nostalgique qui s'en dégage. Et bah, pour ce style-là, en fait, on a vraiment la lead et la batterie qui font les 90% du travail. Avec voilà, la lead qui part dans tous les sens, qui balance une richesse de composition qui est assez remarquable. Et le batteur qui fait absolument n'importe quoi au niveau de sa batterie, c'est maîtrisé comme c'est pas permis. Enfin, vraiment trop trop bien. Personnellement, le chant, j'ai encore un petit peu de mal. Je trouve que je suis pas ultra fan, mais on sent qu'il y a du taf, qu'il y a une maîtrise derrière le chant, avec des textes qui sont en italien, hein, au niveau des lyrics. Donc j'ai pas toutes les subtilités du coup parce que je ne parle pas italien, mais le chant, voilà, je suis pas encore ultra fan parce que je trouve qu'il a tendance des fois à être un petit peu trop linéaire sur certains morceaux, mais globalement ça fonctionne super bien. Et c'est un album que j'ai bien, bien kiffé. Je sais pas si tu as des petites choses à dire. Bien sûr que si, bien sûr que si. J'attendais que, sagement, pour ne pas dire religieusement, que tu aies fini ton sympathique exposé. Pour avoir brossé un petit peu les pochettes d'albums, je trouve que quand on suit ton descriptif titre après titre d'album et qu'on suit les pochettes en même temps, ça transpire... la musique via l'artwork visuel. Complètement. Bah, on prend le premier, on sait que derrière, enfin limite, on se dit ok, bon, c'est du black norvégien. Bon, c'est pas du black norvégien, mais ça renvoie complètement à cette ambiance-là. Et album après album, les morceaux, les albums plus, du coup, un peu plus pagan, etc., ça va vraiment transparaître dans leur visuel. Et là-dessus, ils sont vraiment très très forts pour poser l'ambiance, en fait. Au niveau musical global, je m'attendais à ce que tu le dises, parce que moi, c'est ce qui m'a sauté aux oreilles tout de suite. C'est très, très glacieux, grandiose, pas théâtral, mais imposant. Et j'ai trouvé ça très français dans l'approche. Alors, au niveau des mélodies, on est sur du scandinave, hein, Swedish Black Death. Mais dans la construction globale, c'est très français dans l'approche, notamment au niveau du chant, comme je disais hors antenne tout à l'heure. Ce matin, je m'écoutais encore le dernier album de FT17 et je trouve que le chanteur de Blaze of Sorrow a le même type de diction que Missane, chanteur extrême de FT17. Et je trouve ça, dans l'ensemble, hyper, hyper prenant. Et voilà, très... Il y a quelque chose de très narratif derrière. Voilà. Je pense que c'est... Et si on se penche sur le... Alors, c'est de l'interprétation, hein, sur le visuel, mais donc voilà, tu parles d'un chevalier qui se dirige vers un château en ruine. Et le mec, en fait, il a pas l'air d'être en bonne posture, il a l'air... Enfin, c'est juste une image, c'est de la 2D, hein, mais il a l'air d'être dans le jeu de couleurs et tout ce que l'image nous renvoie. Le mec, on a l'impression qu'il est juste au bout, en fait, il a l'air épuisé. Ouais. Et que le château est encore loin. Voilà, et dans un sale état lui-même. Vultus Fati, ça se traduit par le visage, la volonté, mais émoussé. Voilà, donc voilà, on est un petit peu au bout, mais il faut encore avancer. Et c'est vraiment, je trouve, tout ce qu'on retrouve dans l'ambiance de cet album de Blaze of Sorrow. Ouais. Une bonne quarantaine de minutes, deux morceaux instrumentaux pour casser un peu le rythme de l'album. Et sinon, des morceaux généreux qui atteignent tous et dépassent les 6 minutes. Et voilà, ça s'écoute vraiment très bien. Et en même temps, si on veut une musique plus introspective, voilà, l'album s'y prête parfaitement bien. Ouais, ah ouais, complètement. Bah, du coup, pour ce soir, en fait, j'ai choisi un morceau qui est un petit peu... Tous ces groupes-là, ben évidemment, hein, sur du black metal, de la construction comme ça, je recommande de l'écouter d'une traite, bien posée et tout. Ou... Impliqué dans son écoute. Ouais, voilà. Alors, soit impliqué dans son écoute, ça reste du black atmo, donc ça s'écoute très bien en étant concentré sur autre chose aussi. Écoutez ça, en n'ayant rien à branler. Ça passe très bien. Non, c'est pas ça, mais tu peux l'écouter en travaillant, ça permet de faire vachement focus parce que c'est des styles qui sont prenants et introspectifs. Ça te permet des fois de te recentrer un peu sur toi et sur ce que tu es en train de faire. Donc ça peut s'écouter dans ces conditions-là, mais en tout cas vraiment à écouter en mode isolé, sans avoir la famille qui court tout autour et du bruit et des machins, en étant vraiment posé et pour profiter vraiment pleinement de cet album. Et donc là, c'est un peu difficile de choisir un morceau. J'ai choisi le 6e morceau de l'album, c'est Ion. Et alors, je sais pas si ça se prononce comme ça en italien, hein, pardon. Bah, si tu dis Hayon, moi je pense à un coffre de bagnole, ouais. Donc je pense pas que ce soit ça non plus. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Et c'est un petit peu au cœur de l'album, donc c'est pour vous montrer un petit peu, enfin pour vous faire écouter ce qu'on trouve un petit peu au cœur du développement de cet album qu'il faut écouter en entier. Voilà, Blaze of Sorrow est l'occasion de s'écouter un titre pour illustrer ce chouette focus. C'est parti. Et on arrive dans le dernier quart de l'émission de ce soir. Il nous reste encore quelques doublettes à partager. Et la doublette à venir nous permet d'intégrer la dernière nouveauté pour ce soir. Mais avant ça, Void Ceremony, cette formation qui nous vient de Californie. Une sortie de qualité de plus. On dégueule. Hein. Signé 20 Backspin Records, second album studio. Sweats of Enconwing, 6 titres d'un Death Black Death crassouilleux, un peu prog, hein, un visuel hyper soigné, des morceaux assez longs et généreux et très très bien construits, hein, Void Ceremony, Entropic Reflection Continuum, le titre qu'on va s'écouter, et en doublette avec Void Ceremony, Burning Witches. Là on est sur du Heavy Power qui fait pas mal parler de lui hein, depuis quelques temps. On les voit pas mal en France parce que c'est des Suisses, tout simplement des Suisseux, parce que c'est une formation 100% féminine, hein, 5 femmes qui viennent de nous sortir leur 5e effort studio The Dark Tower. On est sur du visuel plutôt sympa d'ailleurs, tiens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un album très généreux, hein, plus d'une heure, mais qui compte 2 covers. Un titre de Osborne et le I Wanna Be Somebody de Wasp. On est sur du heavy power, hein, très heavy allemand, d'inspiration Crystal Viper et autres Doro, bien évidemment. C'est très allemand dans l'approche du heavy, hein, vraiment ce heavy toton, hein, presque trash d'ailleurs. Et on s'écoutera le sobre Unleashed the Beast, et c'est bien évidemment une sortie de Napalm Records. We'll be right back. Avant-dernière doublette pour ce soir, tout d'abord Dawn of Ouroboros. C'est une formation qui nous vient de Californie. On est sur du post-black, progressive death, un peu dans la veine d'un Neobliviscaris, pour situer un peu. C'est emmené par une femme, ils nous sortent là leur second effort studio Velvet Incandescence. Incandescence d'ailleurs, que chier. Prosthetic Records, c'est leur écurie. On s'écoutera le titre Test Dins. Et en doublette, les Belges de Pestifère. Là, on est sur du death à l'ancienne, hein, à la sauce death, pestilence, athéiste, etc. Ça tricote sévère. C'est un nouvel EP, Defeat of the Nemesis, avec une pochette d'album, enfin d'EP ultra classieuse. Pestifère, une sortie sur label français DB Mur Morti, et on s'écoute le morceau Elysium, c'est parti. Et on clôture l'émission de ce soir avec une dernière doublette qui vient de deux endroits géographiquement très opposés. Ayour, tout d'abord, qui nous vient de Suisse. On est sur... Ils viennent de Sousse, en Tunisie. Je suis très fatigué, voilà, puisque c'est ainsi. Et on est sur du black, mais là, ce soir, c'est un titre plutôt doom, voilà. C'est leur premier véritable album, intitulé Prevail. À la batterie, on retrouve Mr. Chuck Zoul, d'ailleurs, qui a enregistré toutes les sessions de l'album. Et en doublette avec Ayour, Fatuous Romp, le groupe de Brutal Slam Grind qui nous vient de Taïwan, très prolifique et très efficace, un album tous les deux ans. I Am At Your Disposal, le nom de leur cinquième effort studio, toujours emmené par l'excellent Larry Wang au micro. Une sortie Brutal Mind, sans trop de surprise. Every Time Was A Missile Failure, et juste avant ça, A Chant For The Deaf, signé Ayour. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas les concerts à venir dans les semaines et les mois à venir. Et nous concernant, on se retrouve le dimanche 4 juin pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, des émissions en différé. Bonne fin de soirée, ciao ciao. Thank you. when I attacked Michelle, I wouldn't really call it attack. Went up to her when she was walking down the sidewalk, and I said, "You're gonna have to learn this lesson." And I just held her by the shoulder, and I popped her in the head twice. And you know, she moved her head the wrong way, and I snapped her nose. Makes me feel like I should have killed her.